se balade dans une ville acidulée. Naïve et guicheuse, elle se dandine sans rougir. L'air d'une fille si jolie, facile et gentille, au bout des cils qui pétillent. Les cœurs craquent, bavent les babines. Beaucoup matent, parfois scénarisent. Il plane en l'air, multicolore derrière elle, comme un ruban d'hirondelle. On ne pêche pas pour attraper des poissons, mais pour le plaisir. Quand elle vole et danse de vitrine en galerie, les yeux aimantés suivent les nuques alentour se coincent. L'air d'une fille si jolie, facile et gentille, au bout des cils qui pétillent. Elle collecte des milliers de billets d'eau et partage sur les joues des petits bisous. Il plane en l'air, multicolore derrière elle, comme un ruban d'hirondelle. Jolie, facile et gentille, au bout des cils qui pétillent.